بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. خازم لوسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تمام. فبفضل الله كملنا باب المياهي، فمن اليوم سندخل في باب الآنية. On a fini le chapitre des eaux, toujours dans باب كتاب الطهارة, toujours dans le livre de la purification. Et là, on va entrer dans le livre des récipients, ou plutôt le chapitre des récipients. طيب لماذا ما مناسبة ذكر باب الآنية؟ C'est quoi l'intérêt à citer maintenant, après avoir cité le chapitre des récipients, après avoir cité celui des eaux? C'est que tout simplement, une fois que tu as pris les eaux, les choses impures, ce genre de choses, quand tu vas faire ton wudu ou ton ghusl, l'eau, tu vas la mettre quelque part. Il faut bien quelque chose qui la contient, cette eau. Donc, ça va être quoi? Les récipients. Donc après que tu as pris le jugement, Alexandre. Donc après cela, il faut connaître le jugement du récipient à employer. Et tu verras que dans ce livre, Ibn Hajar, il n'est pas ma'asoum. C'est un être humain, il n'est pas infaillible. Et que des fois, il a cité des hadiths qui méritaient d'être dans d'autres chapitres. Par exemple, des hadiths qu'il a cités ici dans le bain qu'on a pris dans les eaux, méritaient peut-être d'être mis ailleurs, dans le classement. Et d'autres qu'il va mettre, mais il était reculé, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est tabiat al-insan, le naturel de l'être humain, pour montrer qu'il n'est pas parfait. Comme s'il classe un livre, on pourra faire le meilleur des classements, il y aura toujours une chose sur laquelle on pourra le reprendre. Aham Shay, de comprendre le hadith. Si tu l'as compris, même toi, à l'avenir, tu sauras où le situer. Tu diras, ce hadith-là, il mettrait l'être là, peut-être. Ainsi de suite. Tayeb. Donc là, il va parler des récipients. Babu al-aniyati. فقال عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها أو في سحافهما فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة والحديث متفق عليه. والثاني عن سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. Donc le premier qui est de Hudhayfa ibn al-Yaman, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent, ni ne mangez dans leurs plats, car ils sont pour eux en ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. C'est qui eux? Les mécréants. Le hadith muttafaqun alayh. Et le 15e hadith, qui est le 2e du chapitre, selon Salamata radiallahu anha, qu'elle est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui boit dans un récipient d'argent, il ne fait que boire ou il incurgite dans son ventre du feu de l'enfer. Muttafaqun alayh. Ah. C'est fait entrer dans son ventre. Ou j'ai le girouf et botné. Yani l'Ibn Athir dit, il was saut wuku' al-ma fi al-jawf. والمعنى كأنها تجرع نار جهنم. C'est le bruit en fait que fait le bruit de l'eau dans le ventre. Oh. Comme quand tu bois. Donc là, pour traduire le sens approximatif, c'est le fait d'incurgiter quoi en fait. On dira comme ça. تمام. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. Donc les sujets et règles à profiter de ces deux hadiths. أولا مسألة حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. Le jugement de manger et de boire dans des récipients d'or et d'argent. Donc le hadith stipule clairement l'interdiction de boire et de manger dans des récipients d'or et d'argent. Il rapporte d'An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son charh de muslim, que chez les Shafi'i, qu'il rapporte l'ijma, l'unanimité, que cela est illicite. Que ce soit pour boire ou pour manger ou tout autre usage, c'est-à-dire dans les récipients d'or et d'argent. Et il rapporta de Daoud, sur moi Zahiri, que lui voit juste cette addiction de boire seulement. Mais se peut que l'argument, le hadith contenant l'interdiction de manger, ne soit pas parvenu. Wallahu ta'ala alam. Peut-être que lui, il a eu que le hadith d'Umm Salama. Et que Shafi'i avait une parole ancienne, que lui voyait que c'était makrouh, détestable, sans être illicite. Et par la suite, il revient sur cette parole. Non. Donc si des gens viennent te dire que Shafi'i voit que c'est permis, que c'est juste makrouh, par exemple, il faut dire que c'est une parole sur laquelle il est revenu. Ensuite, Al-Hafiz, il rapporte dans Al-Fath que Al-Munzir a rapporté également l'ijma, l'unanimité sur l'interdiction de boire dans un récipient d'or et d'argent. Et il rapporta la seule personne qui connaisse ayant transgressé cette unanimité, c'est Muawiyah ibn Qurra, c'est l'un des tabi'in, et apparemment lui aussi c'est comme si la preuve n'était pas parvenue. Pas mal. بعد هذا يقول حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. Maintenant le fait d'utiliser l'or et l'argent, c'est-à-dire les récipients, dans autre que la nourriture, le fait de manger et de boire. Il dit que Jumhur al-ilmi, la plupart des gens de science, voient le tahrim, l'interdiction. Tahrim istirmalihima fi ghayl al-akli wa shurb, qu'il est interdit de les utiliser dans autre, même que le fait de boire et de manger. Non. Et ils ont vu que même le fait d'avoir, par exemple, des récipients contenant du parfum ou du kohol pour les yeux, ou toute chose ayant une utilisation, un usage, on va dire, personnel, faisant office de récipient, qui rentre dans le même jugement. Et cela, c'est la parole de la plupart des gens de science. طيب. Et Nawawi, il a apporté l'ijma justement dans l'usage des récipients d'or et d'argent. Mais il semblerait. Eh ouais. Tout emploi. L'année Nawawi, il a apporté l'interdiction de tout ce qui est employé dans les récipients d'or et d'argent. Donc là, comme on a dit, une boîte à parfum, par exemple, toutes les petites boîtes comme ça, là, ça rentre dedans pour lui. Et Sanahani, il dit, dans Subul Salam, lui, il dit que, yani en gros, le texte qui nous est parvenu, c'est-à-dire le hadith, lui ne cite que le fait de boire et de manger, et non pas tout le reste. D'accord ? Donc l'ijma rapporté par Nawawi, il est invalide. Car ils ont changé la parole, lui il dit qu'ils ont changé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont transformé avec leur compréhension à eux. Et il cite également une parole des Shoukani où il dit qu'il ne fait aucun doute que les hadiths dans le chapitre viennent pour démontrer l'interdiction de boire et de manger. Quant aux autres emplois, aux autres usages, il n'y a pas de mal. Et le fait de faire un qiyas, un raisonnement analogique sur le fait de manger et de boire, c'est une chose qui est yani qui n'est pas conforme. Yani qiyas ma'al fariq. C'est-à-dire tu compares quelque chose qui n'est pas comparable. Ça c'est la parole de Shoukani. Il n'a plus la parole de Sanani. Il fut rapporté également par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا لِعْبًا ou لَعِبًا. Rapporté par Ahmed que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé justement à utiliser l'argent. Et aussi il était dit que Salama elle avait une boîte d'argent contenant un cheveu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith en Sahih al-Bukhari. Ah, mais le hadith qu'il a rapporté sur le fait de jouer avec l'argent, le hadith il est faible par contre. Ça c'est le hukm de Cheikh Ibn Uzaym sur le hadith. Taïeb. Ensuite il rapporté également une part de Cheikh Uthaymin, dans Cheikh Mumti' rahimahullah ta'ala. Il dit la même parole que ce qui est véridique, c'est que le fait de se procurer de l'or de l'argent, c'est-à-dire des récipients, par exemple, et de l'employer dans autre que le fait de boire ou de manger, cela n'est pas haram. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit, lui, spécifiquement le fait de boire, de manger dedans, pas de les employer pour autre chose. Tamam. Et qu'il dit que si jamais ça avait été interdit dans l'absolu, il aurait donné de quoi de le casser. Par exemple. Ou d'en faire autre chose. Car elle aurait été interdite dans toute situation. Donc, où l'intérêt d'en avoir si tu ne peux pas l'employer. On dit que tu les casses, c'est connu. L'or et l'argent, tu peux les faire fondre, faire autre chose avec. Mais où l'intérêt d'avoir ça si tu ne peux rien faire d'autre avec. Non. Après, elle dit Mas'ala ittikhaz al-aniya min al-dhahab wa al-fidda dun istirmal. Le fait d'avoir des récipients d'or ou d'argent sans s'en servir. C'est même ni pour boire ni pour manger, juste pour décorer par exemple. Par exemple. Donc lui, il ramène la parole qui était dit au début, que la plupart des savants, eux, voient l'interdiction dans l'absolu. Ni de les en avoir et ni de les utiliser pour autre que le fait de boire et de manger. Et rapporte une parole de Shafi'i dans une de ses paroles, que lui voit la permission de se procurer. Donc cela est permis. Comme le prouve, par exemple, le fait d'Oum Salama. Qu'elle avait une boîte d'argent dans laquelle elle mettait un cheveu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oum Salama. Oum Salama. D'ailleurs, les gens venaient pour chercher la guérison auprès de ce cheveu, chez la baraka. Cela s'est permis ou pas? Non, ça c'est parmi ses spécificités. Avec lui on peut le faire, chercher la baraka. Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Mais avec autre que lui, ça rentre dans le shirk. Chercher la baraka auprès des saints, comme ils les appellent, les awliya, les gens pieux, cela n'existe pas. Les sahaba ne l'ont pas fait les uns avec les autres. Et al-Nawawi, lui, voit que tu peux le faire, et ça c'est une erreur de sa part. Dans ce kitab al-Afkar, il dit que tu peux le faire. Ça c'est une erreur de sa part. Une grande erreur même. Ah mais aujourd'hui, il ne reste plus rien de lui. Il n'y a plus de reste du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni de des objets qu'il avait, ni de ses cheveux ou autres. Il reste que sa tombe et son corps dans la tombe. Car quand j'ai fréquenté les Ahbash au début, ils prétendaient que l'un d'entre eux se baladait avec un cheveu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et fautait des gens avec pour leur donner la baraka. des légendes comme ça. Parce qu'il est vraiment un cheveu, mais c'est sûrement pas celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand bien même on aurait, c'est sûrement pas eux qui l'auraient. Les Arbèches, c'est les derniers à l'avoir. C'est les derniers à être gratifiés pour avoir ça avec eux. Donc ils mentent aux gens, vont croire qu'ils ont ça avec eux. Comme ça les gens comptent derrière celui qui a le cheveu, ils le touchent comme ça, qui il veut. Genre aujourd'hui c'est ton tour à toi. Et après il s'en va. Naam. Allah musta'an. Ensuite il dit Mas'ala istirmal aniya min nafa'is al ma'adin kal yaqut wa lu'lu' wal jawahir fil akl wa shurb wa ghayrihima. Le fait d'utiliser des matières précieuses autres que l'or et l'argent, comme le rubis ou comme les perles ou comme le diamant, pour pouvoir manger ou boire ou autre. D'accord. Donc le Sana'ani, dans son boulot salam, il rapporte que cela, il y a un khilaf, et ce qui apparaît, c'est qu'il n'y a aucune interdiction à cela. On n'a pas de texte qui l'interdise. Car le jinn dans les choses, c'est l'ibaha, la permission. Donc celui qui l'interdit doit ramener un texte. Nous, on a un texte qui interdit l'or pour les hommes. Ça, c'est ma'alouf. Haram ala zukurina wa mubah ala inathina. Il est permis, il est interdit pour nos hommes et permis pour nos femmes. Par contre, tu peux avoir des objets d'or chez toi. Ce qui est interdit pour l'homme, c'est de le porter. Avoir des bijoux, déjà bijoux, c'est, ça peut être Tachabou Bidissa, par peut-être une chevalière, un anneau, une bague. On demande, t'as un collier, t'as un bracelet, ce genre de choses. Alors les mains, ils comptent que cela, c'est parti. On met les houliers, les nissa. C'est les femmes qui sont connues pour ça, pas les hommes. Par exemple, même demain, les gens, ils ont par exemple une épée, ou ici par exemple une jambia au Yémen, avoir une poignée en or, c'est pas permis. Car tu le portes, ça devient une parure. Quoi qu'il en soit, avoir des récipients ou autres, d'autres matières précieuses, hein, cela est permis, il n'y a aucune interdiction. Et c'est le madhab de Al-Hanabila, de Mahmoud. Après, il fait un tambi. Tambi, quand il dit Fa'innaha lahum fi dunya wa lakum fi l'akhira. Car elles sont pour eux en ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. Il dit attention, Al-Hafiz, il dit cela ne veut pas dire que cela est licite pour les koufars. Qu'ils ont le droit de le faire. Car on sait que ce qui est interdit aux musulmans, l'est également aux kafirs. Dans le sens, eux le font, pas vous. Tu vois ? Ils vont prendre le péché d'avoir fait, mais pas vous. Et dans l'au-delà, ils auront le nar, khalidina fiha, le feu de l'enfer, et vous aurez le jenna, les croyants, plus ces récipients-là. C'est-à-dire, laissez-les, c'est eux qui font ça, pas vous. D'accord ? Ça ne veut pas dire que eux, ils ont le droit de le faire. Le Prophète a autorisé aux koufars de le faire, c'est-à-dire aux musulmans. Dans le sens, eux ils font ce qu'ils veulent, et eux ils sont connus pour faire ça. Vous ne le faites pas. Tamam. Ensuite il dit Mas'ala, il est tahara fi aniyati al-dhahab wal-fidda, hal yasah wudu'uhu. Donc s'il se purifie dans un récipient d'or ou d'argent, est-ce que son nouveau il est valide ou pas? Il y a un khilaf, toi-même. Et la plupart des savants voient que l'odo il est valide avec le péché, ce qu'il a fait. Même il y a un péché pour ce qu'il a fait. Et c'est la vie qui est le plus fort. Quand cela est permis, car le tahrim, l'interdiction est devenue dans quoi? Dans le fait de boire et de manger. D'accord? Pas de faire l'odo. S'il y avait eu un hadith qui aurait dit c'est interdit de faire l'odo dedans, ça aurait été autre chose. Là, le hadith est interdit. C'est comme on a cité le fait de faire la salate avec un vêtement de soie. Porter la soie, c'est pas permis. Et cacher la awra, c'est obligatoire. Donc on a pris déjà cette place à là. L'hygiène mounfakka, là ça rentre la même chose. L'ozo, c'est obligatoire. Et l'or et l'argent sont interdits comme récipients pour boire et manger. Mais faire l'odo dedans, tu peux le faire. Donc il dit quoi? lui, les ulama, donc il dit que celui qui l'utilise, son wudu est valide, d'accord, et que il a commis un péché. Donc le chir rapporte leurs paroles, mais il dit, lui il dit ça c'est pour les, ceux qui voient que utiliser les récipients dans leur dans l'absolu, t'as un péché. Mais lui il voit pas ça. Cet avis c'est pour ceux qui disent que utiliser ces récipients dans l'absolu, même pour autre que boire et manger, il voit que t'as commis un péché en faisant l'eau. Et lui dit non, on voit pas ça nous. On voit que tu peux l'utiliser et en plus tu n'as pas de péché. Voilà l'avis du chir, et c'est l'avis qui correspond à Dillah. Donc après c'était une faïda. Illat tahrim fil hadithain et mutakaddimain. La cause de l'interdiction tirée des deux hadiths précédents. Il rapporte une parole de l'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans Zad al-Ma'ad, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il cite pourquoi des paroles que des gens ont dit, pourquoi cela nous est interdit. Donc, parmi ce que les gens ils ont dit, il y en a, ils ont dit que c'est par, ça amène au gaspillage. Après, ça amène à l'orgueil. Ça amène également à briser les cœurs des pauvres, des indigents, lorsqu'ils voient cela. Et il dit, toutes ces causes-là, elles sont toutes discutables. Elles n'ont rien de valable. Vous voyez ? Il dit, car le fait que ce soit du gaspillage, hein, alors cela amènerait également l'interdiction d'en avoir comme bijoux, par exemple pour les femmes. Parce que c'est une parure. Également, le fait de devenir orgueilleux et hautain, sur la base est interdit, que ce soit par l'or ou pour n'importe quoi. Al-khuyala ou al-kibr, aib haraman, ou al-fakhr, le fait de se vanter, à la base c'est interdit. Même demain tu te vantes avec autre que de l'or de l'argent, ça va être pareil, il n'y a pas de différence. Après le fait que cela brise le cœur des pauvres, il dit cela n'a pas de norme, briser le cœur des pauvres. Car le cœur du pauvre va être brisé par d'autres choses, par une grosse maison. C'est-à-dire qu'on va interdire une grosse maison pour autant. Ou des beaux vêtements. Ça brise le cœur du pauvre. Est-ce qu'on va l'interdire pour autant? Tu vois, il dit ça, c'est des raisons qui sont. Le fait d'avoir des beaux jardins, tout ça, ça brise le cœur du pauvre, car lui n'a pas cela, il te voit avec cela. Ou d'avoir des belles montures et autres, des bonnes nourritures. Donc tout cela sont des choses permises. Ce n'est pas le fait de briser le cœur d'un pauvre qui amène à interdire une chose, c'est pas ça la cause. Et toutes ces raisons-là, elles ne sont pas valables, il voit. Tout simplement, la raison valable, Wallahu a'lam, comme il dit, que cela s'oppose justement à l'esprit d'adoration apparent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. Elles sont pour eux en ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. C'est-à-dire vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala et pas eux. Donc de votre adoration, délaissez cela, cela vous l'aurez après. Donc c'est une forme de retenue. Donc toutes les choses, elles ont cité auparavant, ils voient qu'elles sont pas valables. La raison valable, c'est quoi? C'est le côté d'adoration, ibadah. Toi, tu t'abstiens. T'as vu? Par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela t'a été interdit. Car les koufars n'ont rien comme part d'adoration sur le bas monde. Du moins, ce qu'ils ont comme part d'adoration, elle est vaine. Ce n'est pas accepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas d'interdit. Ils font ce qu'ils veulent, ces gens-là. Toi, le musulman, tu as une limite. Tu as une éthique. Tu as des choses que tu peux faire, d'autres que tu ne peux pas faire. Et ton préveur, ton Seigneur, il t'éprouve par cette dunya. Comme on a déjà fait le hadith, فإن الدنيا خضراء فالله استخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت فتنة النساء. Il dit que la dunya c'est une chose belle et verte attirante et que Allah vous y a mis, voir comment vous allez vous comporter. Donc craignez la dunya, craignez les femmes, car la première tentation des bani Israël était dans les femmes. Comme quand Ta'ala Liabluakum, Ayyukum, Arsenu Amala, vous trouvez qui est de meilleure œuvre. Toutes ces choses devant toi sont là pour te tenter. Certaines te sont permises et d'autres non. Mais si tu patientes, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu l'adores sans une associée, tu auras bien plus et bien plus et bien plus et bien plus après la mort. La différence entre le kafir et le kafir, il veut tout de suite. Tu vois, le muslim se retient. Il dit, moi, je m'en passe ici, bien j'en ai envie, j'aurai mieux auprès de mon Seigneur. Donc on vous le laisse. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar est rentré, il l'a vu, allongé, en train de dormir sur une paillasse. Il en a pleuré, il s'est relevé, il avait les traces de la paillasse sur lui. Omar en a pleuré. Il dit, comment, toi tu es le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein? Et eux, ils ont ça, et ça, et ça, des châteaux et des trucs, que tu dors sur une paillasse. Il lui a dit, ya Omar, ratado en yakun hadalaka fil akhira ou alors fil dunya. Tu n'aimerais pas que cela soit pour toi dans l'au-delà? Que cela soit pour ce dunya? Et Omar, il s'est tué. Il dit, laisse-leur cela, aujourd'hui. C'est pour eux, ce bas monde. Nous, c'est dans l'au-delà. Donc, comme a dit le hadith, Abi Huraira, al dunya, yib jannat al kafir, wa sijd al muslim. Ou l'akhira, au contraire, que ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du croyant, du mécréant. Oh, Alexa. Donc, faites. Dans le fait, c'est défi, c'est pas fait, c'est permis. Faites. Mais après, voilà, vous serez perdant. Nasallallah al-afiyah wa nusabbitana ila al-mamat hatta nalqahu. Tayeb. Mafhoum hada? سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب